Avec le temps j'ai réalisé, quand tu parles des hommes tu ne fais que généraliser. Je ne suis pas comme lui, c'est une réalité. Laisse-moi une année, je pourrais te le prouver. Mais quoi que je fasse, baby, tu me rejettes. Un avenir avec toi, oui, je me projette. Sois près de moi, écoute, pour nous, j'ai des projets. J'aurais aimé te connaître, plutôt je le regrette. Je comprends pas, dis-moi si c'est de ma faute. Ou plutôt, dis-moi si c'est ta faute. C'est bizarre, quand je te parle, tu te bloques. T'as le regard et le cœur aussi, froid d'un globe. Je ne ressemble pas à celui qui t'a blessé. Qu'est-ce qui se passe, baby, tu peux te confesser. T'en fais pas, j'ai du temps, je ne suis pas brisé. Moi, je n'ai qu'une question à te poser. Est-ce qu'on peut se rapprocher? Oh, on doit laisser tomber. Oh, est-ce qu'on peut se rapprocher? Oh, on doit laisser tomber. Comme quelqu'un qui veut laisser tomber. Je ne suis pas comme tes déceptions passées. J'ai le sentiment que tu veux que je laisse tomber. Souffert mes passions. Un cœur de pierre à cause des garçons. T'es dans l'hésitation. Ouvre toi et on verra où ça peut nous mener. Je comprends pas, dis-moi si c'est de ma faute. Ou plutôt, dis-moi si c'est ta faute. C'est bizarre, quand je te parle, tu te bloques. T'as le regard et le cœur aussi froid qu'un gueule. Je ne ressens pas celui qui t'a baisé. Qu'est-ce qui se passe, baby, tu peux te confesser. T'en fais pas, j'ai du temps, je ne suis pas pressé. Moi, je n'ai qu'une question à te poser. Est-ce qu'on peut se rapprocher? On doit laisser tomber. Est-ce qu'on peut se rapprocher? On doit laisser tomber. Qui t'a fait mal? Qui est l'homme qui t'a rendu comme ça? Mais dis-moi, qui t'a fait mal? Qui est l'homme qui t'a rendu comme ça? Mais dis-moi, qui t'a fait mal? Qui est l'homme qui t'a rendu comme ça? Mais dis-moi, qui t'a fait mal? Qui est l'homme qui t'a rendu comme ça? Je comprends pas, dis-moi si c'est de ma faute. Ou plutôt, dis-moi si c'est ta faute. C'est bizarre, quand je te parle, tu te bloques. T'as le regard et le cœur aussi froid qu'un globe. Je ne ressens pas celui qui t'a baisé. Qu'est-ce qui se passe, baby, tu peux te confesser. T'en fais pas, j'ai du temps, je ne suis pas pressé. Moi, je n'ai qu'une